Anasta hili Jehova sifa na ibada. Itakuabudu milele yote. Uliniponya Bwana bila malipo. Asante. Kwa muda mwingi nimeteseka, nikiugua magonjwa sugu mie, yaliyoshinda madaktari, yaliyoshinda wenye kima wa dunia, nilizunguka dunia kote nikitafuta uponyaji wangu.

mutegemea Yesu mama, mutegemea Yesu dada, mutegemea Yesu mama, mutegemea Yesu dada. Kama unapita Yesu mayo, tutetekele Yesu.